traîne sous tes bressons. Je voulais d'en banaliser, nous les présons. Dans ma cachette, j'ai mon mêlée. Les balles se disputent pour te mêler. Elle me montre son un, je crois qu'on t'éton. Mais dis-toi de cette chance, tu veux pas béton. Deuxième tenue, premier boulot. Je fais pas crédit, va faire en coulot. Ma Célia, c'est nos fanés. Sous PH pour planer. De midi à minuit, je passe le salam à mes ennemis. On a voulu nous regarder. On a fini tout ça si dans le VIP. C'est le fuego, on a coffré. On décrète la casse, le garage est interdit. On a fait de la moula, on va faire la mala. On lâche pas la cala. Je recoupe ma scalap. Et qu'elle est éclairée par les gyrophares. Il est 6h, tu te réveilles en sueur. Quand je commence à peur, faut que je charbonne. J'ai vécu dans chambre de bonne, j'ai une bonbonne. On est bloqué dans leur périnée. Je nettoie mon machin comme un béret vert. On ne respecte que père et mère. On a vu la hure. Les vrais hommes se font rares comme la pure. Elle cherche une faille dans mon armure. Magnum Machu pour méga sûr. On a voulu nous recaler. On a fini tout ça si dans le VIP. C'est le fuego, on a coffré. On décrète la casse, le garage est interdit. On a fait de la moula, on va faire la mala. On lâche pas la cala. Je recoupe ma scalap. Éclairé, éclairé par les gyrophares. Sur un lit superposé, j'attends qu'on me ramène ma gamelle comme un clébard. Debout hors lit après la bagarre. Ça fait des étincelles, on voit le Star Wars. Tu sais pas combien je vais poser. Tu sais pas si sous ma veste j'ai un Kevlar. Celui qui retourne la sienne, on le démarre. Je suis gérant comme Neymar. On a voulu nous recaler. On a fini tout ça si dans le VIP. C'est le fuego, on a coffré. On décrète la casse, le garage est interdit. On a fait de la moula, on va faire la mala. On lâche pas la cala. Je recoupe ma scalap. Éclairé, éclairé par les gyrophares. T'es brouillard. Éclairé, éclairé par les gyrophares. T'es brouillard. Éclairé, éclairé par les gyrophares. T'es brouillard. Éclairé, éclairé par les gyrophares.